بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida. Par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، من اليوم سنخوض بإذن الله في كتابنا المبادئ المفيدة المسألة 22 والثالثة وعشرين ورابعة وعشرين بإذن الله تعالى. نعم. Après que nous ayons pris la dernière fois ceux qui étaient le premier messager et le dernier d'entre eux et ceux à quoi ont appelé l'ensemble des messagers, aujourd'hui nous allons prendre شيئا مما يتعلق بالتوحيد من جديد. Toujours un peu plus autour de ce qui se touche au tawhid, inshallah, dans ce dars. Fayaqul, hafizallahu ta'ala, fil mas'alatil al-thaniya wa'ishirin, yaqul, fa'idha qila lak, ma ta'rifu al-tawhid al-lazi jami'u al-rusul yad'ouna ilayhi. Yani, et si on te demande, quelle est la définition du tawhid, de l'unicité auquel tous les messagers ont appelé. فقول هو إفراد الله بالعبادة والدليل قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى قل هو الله أحد. Donc cela signifie d'unifier Allah dans l'adoration. Et la preuve en cela est la parole d'Allah, Azza wa Jal, dans le sens où il dit, adorez Allah et ne lui associez rien. Et sa parole dans le sens, Subhana, dit, il est Allah l'unique. Donc maintenant, il vient de donner la définition générale du tawhid. Avant que celui-ci ne soit divisé en trois catégories, le tawhid en soi qui est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Que toutes les adorations ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole également a été dite dans le Coran de la parole d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsque Allah dans le Coran dit d'après lui, d'après Ibrahim, قال إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Donc il dit, lorsqu'il dit Ibrahim, alayhi salam, à son père et à son peuple, je suis certes innocent de ce que vous adorez, hormis celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Et ce verset vient pour démontrer al-nafi wal-ithbat fi al-shahada. Il vient pour démontrer la négation et l'affirmation présente dans la shahada, l'attestation. Fi qawlihi إنني براء مما تعبدون. Je suis certes innocent de ce que vous adorez. Là, il s'agit là de quoi? De la négation. D'accord? Là, Ibrahim, alayhi salatu wasalam, renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Hormis celui qui m'a guidé. Et là, il affirme cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, cette partie, cette mas'ala, vient pour démontrer quel est le tawhid. Et l'ibada, l'adoration, nous avons déjà vu de quoi il s'agit, quelle est-elle, et que ces adorations ne sont que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont que pour lui. Et celui qui donne de cette adoration pour Allah aura commis du shirk. Il aura commis du shirk. Et le shirk, comme on a dit, peut être akbar ou asghar. Cela revient à l'acte en soi et à l'intention du serviteur. Naam. De là, il poursuit en disant فَإِذَا قِيلَ لَكْ كَمْ أَقْسَمْ تُوحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. S'il t'est dit en combien de catégories est le tawhid d'Allah. فَقُلْ ثَلَثَةُ أَقْسَمْ. Dit de trois sortes. Ce tawhid est de trois sortes. أَوَلَنْ تُوحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Qui sont le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité, de l'adoration, et celui des noms et attributs. والدليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر وعبده واستبر عبادتي هل تعلم له سميا فهاتان الآيتان فيهما أنواع التوحيد الثلاثة. Donc il dit que la preuve est dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et sa parole dans le sens où il dit il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux, adore-le et soit donc patient constant dans son adoration. Lui connais-tu un semblable? Donc ces deux versets comprennent les trois sortes de tawhid. Donc là, ces versets, il vient, le shir, hafizallahu ta'ala, vient pour un peu plus parler de ces catégories de tawhid qui sont bien connues. Et ces catégories de tawhid, en elles-mêmes, ont été déduites à la suite de al-istiqra wa tatabbu', le fait de suivre les textes. Car il y a des choses qui n'ont pas forcément, par exemple, il n'y a pas de hadith particulier ou de verset particulier qui vient pour démontrer ces trois, qui vient du moins pour nommer ces trois catégories de tawhid telles que nous venons de les citer. Mais elles ont été déduites des textes. Il y a des choses comme ça qui deviennent blistikra wa tatabwa. Comme par exemple, en langue arabe, que les mots sont de trois catégories, qui sont al-ism, le nom, al-harf, ce qu'ils appellent les particules, et al-fi'l, ce qu'on appelle le verbe. Maintenant, on n'a pas de texte qui stipule, qui précise ces trois catégories, ces trois sortes. Mais cependant, les gens du Nahu ont fait le tour des paroles des Arabes et ont trouvé que les mots ne sortent pas de ces trois sortes. Bilistikra ou atatabwa. En recherchant dans les textes. Ce sont des choses déduites, mais qui sont indéniables. Comme ces trois catégories de tawhid. Naam. Également, parmi les preuves déduites des versets, il y a la parole d'Allah dans le sens où il dit قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَّهُكُمْ إِلَّهُمْ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et dit qu'il m'a seulement été révélé que votre divinité n'est qu'une. Lui êtes-vous donc soumis? Dans le sens. Donc maintenant, c'est tawhid al-rububiyya, comme nous l'avons dit, qui est le tawhid dans la seigneurie. Hein? Qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans la royauté et dans le contrôle de toutes choses. Parmi les phrases de ce tawhid, il y a la parole d'Allah où il dit Ala lawl khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. N'est-ce pas lui qui revient la création et l'ordre, tabarakallahu rabbul alamin, le seigneur des univers. Également, sa parole dans le sens subhana où il dit Wallah, walillahi mulku samawati wal ard, wa ilallahi al-masir. Et c'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers lui qu'est la destination finale. Et sa parole, subhana, kulid'u alladhina za'amtum min dunillah, la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wa la fil ard, wa ma lahum fihima min shirk. Il dit, donc, invoquez ceux que vous prétendez en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas un grain de moutarde du contenu des cieux et de la terre. Et ils n'ont rien, aucune part dans le fait d'être associé à Allah. Et cette catégorie de tawhid, une sur laquelle même les mouchrikoun, les Quraysh, était d'accord. C'est la sorte de tawhid que presque tout le monde est unanime dessus. À part quelques marginaux, comme ça, aujourd'hui, qui se disent athées, qui ne croient en rien. Et ces gens-là sont une minorité. Car bien nombre d'entre eux prétendent être des athées, et au fond d'eux, ne le sont pas. Tu les vois, par exemple, dans les moments de détresse, dans les moments de dureté, de rudesse. Même un athée, des fois, va dire, oh mon Dieu, ou regardez aux cieux. Ce qui montre que sa fitra reconnaît son créateur. Plein comme ça dit, je ne crois pas en Dieu, ce genre de choses. Et lorsqu'il arrive un problème, tu les vois crier, oh mon Dieu. Regardez vers le ciel. Pourquoi m'arrête-t-il cela? En demandant. À qui demande-t-il? Pourquoi lève-tu ta tête vers le ciel? À qui interroge-t-il? Hein, qui interroge-t-il? C'est une personne. Tu ne crois pas à la présence d'un créateur. Donc cela démontre que leur fitra, elle, accepte cette création et le créateur qui va avec. Donc cette forme de tawhid, même les mouchrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la reconnaissaient. D'accord? Ils la reconnaissaient. Comme dans la parole où il dit وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu leur demandais donc qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes c'est Allah. Et cependant, ce tawhid à lui tout seul ne suffit pas à faire de toi un croyant. Car malgré cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu les gens de Quraysh, bien qu'ils reconnaissaient Al-Rububiyyah. Cette branche de tawhid n'est pas suffisante pour faire de toi un croyant et un muwahid. Cette forme de tawhid, comme nous l'avons dit, est trouvée même chez les koufars. Même chez les mécréants, on la trouve. Elle ne suffit pas, elle toute seule, à faire de toi un croyant. Une personne qui dit « je crois en Allah », en son existence, par exemple, que celui qui a tout créé, celui qui contrôle tout, celui qui appartient à toutes choses, c'est un point. Mais est-ce que cela suffit à faire de lui un croyant à part entière? Cela ne suffit pas. Naam. Ensuite, il y a le deuxième tawhid qui est celui al-uluhiyya, également appelé al-ubudiyya, qui est celui de la divinité et de l'adoration. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de ne tourner l'adoration que vers lui. Comme a dit Ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Hein, et adorer Allah et ne lui associer rien. Et également sa parole subhana, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Il dit que nous n'avons pas envoyé d'avant toi de messager sans qu'il ne le soit révélé, pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, donc adorez-moi. Ou plutôt, pas de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, alors adorez-moi. Et sa parole, Azza wa Jal, « Wa ilahukum illahum wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. » Et il dit, « Votre divinité n'est qu'une, pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Hein » le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et sa parole dans sa parole où il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tawhid. Et ce point de tawhid qui est l'uluhiyya est celui sur lequel a eu le point de divergence avec les mouchrikoun en particulier. Et c'est pour cela que principalement les messagers ont été envoyés. Hein? كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون. Donc s'il leur est dit لا إله إلا الله, ils s'enflent d'orgueil et ils disent va-t-on donc délaisser nos divinités pour un poète fou, en faisant allusion au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Donc là, eux les mouchtikoun avaient bien compris le sens de la ilaha illallah, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui le prononcent avec leur langue mais qui n'ont pas compris dans leur cœur. Ils vont te dire « La ilaha illallah », ils vont se mettre à invoquer des morts, à invoquer des tombes, à aller demander des choses à des créatures qui sont incapables d'accomplir, si ce n'est que dans ce qui revient au droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aller voir des voyants, aller voir des astrologues, porter des porte-bonheur, et avoir des paroles de shirk, et remettre des choses à la création, ne revenant que à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils te disent « La ilaha illallah ». Eux n'ont pas compris le sens de « La ilaha illallah », contrairement à ces mouchrikoun de leur époque. Du fait qu'ils aient renié cette forme de tawhid, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Car ils n'ont pas tourné l'adoration seule pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, parmi eux, dans leur adoration, certains étaient de différentes sortes. Parmi eux, certains qui adoraient des idoles, des pierres. Comme Lat ou Al-Uzza, mathalan. Certains qui adoraient quoi? Al-Shams ou Al-Qamar. La lune et le soleil. Parmi eux, certains qui adoraient Al-Mala'ika. Et parmi eux, certains qui adoraient As-Salihin, les gens pieux. Et parmi eux, ceux qui adoraient les Anbiya, Misl Isa, alayhi salatu wa salam, et ainsi de suite. Et le fait de diviser, quelqu'un par exemple va te dire, lui, il n'adore pas un idole. Donc ce n'est pas un mouchrik. Non, il n'adore pas un idole, de façon figurée, c'est-à-dire il n'adore pas une pierre devant lui, mais son action est la même. Il va adorer Isa. Il va invoquer autre que Allah. Donc cela ramène à la même chose. Son adoration va être tournée pour autre que Allah. Donc il n'y a pas de différence. Cela n'est pas limité seulement aux tombes, aux statuettes, aux porte-bonheur, et ainsi de suite. Cela peut avoir attrait à beaucoup de choses. À partir du moment où la chose que tu fais est une adoration que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'a ordonnée, et que tu l'as fait pour autre que lui, dans ce quoi seul il est capable d'agir, cela tombe dans le shirk. Et là tu auras enfreint ce tawhid. Tu auras enfreint ce tawhid qui est tawhid al-uluhiyya, qui est, comme nous l'avons dit, le point sensible qui a eu lieu entre les mu'minin, les muwahidin et les mushrikin. Principalement celui-là. Ensuite, il y a tawhid al-asma wa sifat. Et c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. De n'affirmer que ce que Allah a affirmé pour lui-même. Dans son livre, ou sur la langue de ses messagers. Alayhi salam. Ou ce qu'il s'est renié de lui-même. Dans son livre, et sur la langue de ses messagers. Alayhi salatu wa salam. D'accepter cela, sans tahrif, sans déformer, sans ta'til, sans supprimer, sans takif, sans chercher à savoir comment, et sans tamthil, sans chercher à comparer avec la création. Donc le fait, par exemple, d'attribuer à Allah un fils, alors que Allah ne se l'est pas attribué, hein, lam yalid wa lam yulad, cela tombe dans quoi? Dans le shirk. Ce que les chrétiens font, c'est du shirk. Donc on ne peut dire qu'ils sont des croyants. Et sans compter le fait qu'ils adorent Isa et bien d'autres choses qu'ils font, qui amènent à voir que ces gens-là, bien qu'ils reconnaissent, le Rububiya d'une façon, quand même dans Rububiya, il y a un khalel chez eux, car ils ont attribué Rububiya à Isa. Ils ont attribué de Rububiya à Isa. Que eux, ils ont accordé à Isa le fait qu'il ressuscite les morts, lui-même, et non pas avec la permission d'Allah. Tous les miracles que Isa wassalam, a fait et ont été cités dans le Coran, les chrétiens lui attribuent à lui, que cela vient de lui-même. Et qu'il est le fils de Dieu, comme ils disent. Ou qu'il est Dieu descendu dans sa création, et ainsi de suite. Et quand tu regardes leur croyance, elle est complètement incohérente. Et même lorsque tu leur demandes, parce que tu leur demandes, explique-moi cette trinité, ils en sont incapables. Alors que toi, d'accord, cette unicité, ce tawhid, tu peux leur expliquer clairement. Il est clair. Alhamdulillah. Quant à leur trinité à elles, à eux plutôt, celle-ci est totalement irréfléchie et absurde. Elle ne tient pas debout. Ils sont incapables, d'accord, de pouvoir, là, l'expliquer, la clarifier. Donc, par rapport à ce tawhid de l'asma wa sifat, le fait de nommer Allah comme il s'est nommé lui-même. De ne pas lui inventer des noms. Par exemple, comme le fait de l'appeler Dieu, comme nous l'avons dit, cela est de l'ilhad fi asma'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans aucun texte, ne s'est appelé Dieu. Ni le Père, encore moins le Père. Comme nous l'avons dit, lam yalid wa lam yulad. Allah n'est pas notre Père. C'est notre Créateur, notre Seigneur. Le Seigneur des mondes. Rabbul alamin. Al-Khaliq. Al-Musawwir. Al-Mudabbir. Et ainsi de suite. Lawla asma'il husna. Fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Que à Allah appartient le plus beau nom, alors invoquez-le avec. Et ceux qui se détournent de ses noms, plutôt, et délaissez ceux qui se détournent de ses noms et attributs. Ensuite, قال المسألة الرابعة وعشرون. 24e question. فَإِذْ يَقِيلَ لَكْ مَا أَعْظَمُ حَسَنَاتٍ وَمَا أَعْظَمُ سَيِّئَاتٍ. S'il te dit, quelle est la plus grande hasana et qui est la plus mauvaise? Faqul a'zamu hasanatin huwa tawhidullah 'azza wa jall wa a'zamu sayyi'atin wa shirku billah 'azza wa jall wa ad-dalilu qawlullah ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. وقوله سبحانه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين ولا شفاعة للمشرك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. Donc la traduction serait, quelle est la meilleure action et le pire des péchés? Lorsqu'on dit hasana, on dit action. Et siya, c'est le contraire, la mauvaise. Dit, la meilleure des actions, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Et le pire des péchés, c'est le shirk billah, l'association à Allah. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, azza wa jal, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Mais il pardonne en dessous de cela qu'il veut. Et sa parole, Jalla wa Ala, il n'y a pas d'intercédeur ou d'intercesseur pour nous, ni d'amis chaleureux, si seulement il y avait un retour pour nous, afin d'être parmi les croyants. Et d'après Anas bin Malik, radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon intercession, la shafa'a, est pour ceux qui auront commis de grands péchés parmi ma communauté. Apporté par Ahmed, et c'est un hadith sahih. Donc cela prouve que les gens les plus heureux de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui auront commis des grands péchés parmi les musulmans. Et il n'y a pas d'intercession pour l'associateur, le mushrik. Et d'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sans rien associer à Allah rentre au paradis. Et celui qui meurt en associant à Allah rentre en enfer, rapporté par musulmans. Donc là on voit le shir diant ta'liqat dans cette parole. Il dit quelle est la ma'azamu hasana? Il dit quelle est la plus grande des bonnes actions? Que le mot hasana a été employé pour le tawhid. Le tawhid a déjà été appelé hasana. Donc dans le fameux hadith de l'habitat de cet homme qui aura des registres qui seront à perte de vue étendue, ne contenant que des mauvaises actions. Et qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dira, hein, inna laka indana hasanatan wahida. لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Il sera sorti une carte sur laquelle il sera inscrit, plutôt il sera dit, si aujourd'hui tu as une bonne action, hein, une bonne action, donc nul grief ou nul d'injustice envers toi aujourd'hui, on lui sortira une carte sur laquelle sera inscrit أشهد أن لا إله إلا الله وَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ رَسُولُ. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré ce n'est Allah et que Mohammed est son messager et serviteur. Et donc cette carte viendra pour l'emporter sur tous les registres et lui fera effacer toutes ses mauvaises actions. Donc cela démontre que le mot tawhid a également été appelé hasana. Et le contraire, toujours cela dans la parole de Cheikh Yahya lui-même en ta'liqat dans son livre, où il dit que le shirk a été appelé Siya. Le shirk a été appelé Siya, c'est-à-dire mauvaise action. Dans la parole d'Allah où il dit, Bala man kasaba siyatan wa ahatat bi khati'atuh, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Que celui qui aura commis une mauvaise action et se verra entouré de ces mauvaises, alors ceux-là sont les gens du feu où ils seront éternellement. فقال مجاهد وابو وائل وغيرهما كما في تفسير ابن جرير عند الآية. Que des mufassirun ont rapporté de ce verset qu'ici le sens voulu par un CIA, c'est le shirk. D'accord? C'est le shirk. Et cela, ce tafsir, vient pour justement réfuter l'égarement des khawarij qui eux se servent de ce verset pour pouvoir dire que celui qui commet un péché, même grand, se verra éternellement en enfer. Car dans le mot ici, Beleman kasaba seiyatan, celui qui aura commis une mauvaise action. Eux, ils ont pris le verset dans son apparence, sans regarder comment l'ont compris les salafs. Et les salafs ont m'expliqué que le sens de seiyya ici, c'est le shirk qui est voulu. La preuve en cela, Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, que ceux-là sont les gens du feu, et ils y seront éternellement. Et il est bien connu que le péché, en soi, ne fait pas on ne rentre pas celui qui l'aura commis éternellement dans le feu, hormis le shirk. Car les preuves sont nombreuses pour démontrer que Allah ne pardonne pas le shirk pour ceux qui meurent dessus, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Même l'imam Sa'di, rahmatullah alayhi, dans son tafsir, vient expliquer le même fait, que ce verset est venu pour expliquer que le sens voulu par Seiya ici, c'est le shirk, et non pas tout péché. Naam. Ensuite, toujours dans sa parole, donc de là on comprend que la plus grande des actions, c'est le tawhid. Comme prouve le hadith de la bitaqa, de la carte, que le tawhid permettra à son adepte de rentrer au paradis, et sera une cause que Allah lui pardonnera tous ses péchés. Et le contraire, c'est le shirk. La plus grande ou la plus mauvaise des actions, c'est le shirk en soi. Et que celle-ci, pour celui qui meurt dessus, sera une cause qui le rend en enfer. Et éternellement, nasallallahu yahfazana wa yakum min ash-shirk. Ensuite, il cita la shafa'a. En guise de quoi? De réfutation justement au khawarij. L'intercession. Comme dans le hadith qui dit que mon intercession est pour des gens des grands péchés de ma communauté. Et ce hadith rapporté par Ahmed, il est authentique. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, dit que les gens dans l'intercession sont de trois catégories. Comme dans Majmou al-Fatawa. Il y a deux extrêmes et un juste milieu. L'un des extrêmes sont les mouchrikoun. D'accord, les mouchrikoun, qui eux tentent de faire croire que la shafa'a concerne tout le monde. L'autre côté, on a les khawarij et les mu'tazila, qui eux renient cette shafa'a. Et les gens du juste milieu, qui sont les gens de la sunna, qui eux affirment cette intercession, cette shafa'a, pour les muslimines qui auront commis des grands péchés, et cela en se basant sur le hadith. Et d'autres preuves sont venues à l'appui. Maintenant, cette shafa'a, la shafa'a, elle est de deux sortes. Celle qui est acceptée, celle qui ne l'est pas. La shafa'a, elle mène fiyah, yallati, tout la boum in indi reylillah, fima la yagdiru alayhi l'Allah. Celle qui est recherchée auprès de autre que Allah, en quoi Allah est capable de faire. Dans un droit qui n'en vient qu'à Allah. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, ya ayyuhal ladhina amanu, أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui avez cru, dans le sens, dépensez du bien de ce que nous avons attribué avant que ne vienne un jour dans lequel il n'y aura ni amitié ni rien du tout, ni négoce, et pas l'intercession, et que les injustes, ce sont ceux-là les mécréants. Et là, les ظالمون هم الكافرون, c'est-à-dire le grand zulm, el-akbar, celui qui sort de la communauté, qui fait sortir de la communauté. Et le tchafa'a, el-muthbata, celle qui est affirmée, qui est acceptée, et celle qui est recherchée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou el-shafi'a, mukarramun, celui qui intercède, est accepté auprès d'Allah, et également el-mashfu'u lahu, celui pour qui on intercède, l'intercédé, que Allah agrée ses paroles et ses actes, et cela après sa permission. Attention, après sa permission. Et que cette permission ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, cette intercession pourra être trouvée par les gens pieux, certaines personnes, les shuhada, les martyrs, peut-être des ulama. Plusieurs hadiths sont venus. Il y a également celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un seul kafir y a eu droit, c'est son oncle, Abu Talib. Et cette shafa'a lui a permis d'avoir quoi? Un châtiment réduit. C'est tout. Mais son châtiment, il sera éternellement au feu. Il n'en a pas été gracié pour autant, ni absous. Juste cette shafa'a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui a permis de quoi? De voir son châtiment amoindri. Et également, il y a la shafa'a d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. Pour les derniers. Arhamur Rahimin. Également, cette shafa'a sera pour qui? Elle ou l'iman, les gens de la foi. D'accord? Les gens de la foi. Et ce hadith de shafa'a a causé problème pour beaucoup de personnes quant au fait que certains voient que les actes ne font pas partie de la foi en se basant sur l'interprétation apparente du hadith qui lui-même est expliqué par d'autres. Ce qui a causé l'erreur de chez beaucoup de personnes ayant pris ce hadith tout seul, sans regarder les autres, pour dire que celui qui n'aura jamais connu de bien, car dans le hadith, lam yarmel khaylan kot. Et ce hadith, pour comprendre l'explication, revenir, je crois que le frère Abdullah al-Adi, Abu Youssouf, a fait des audios dans lesquels il explique le sens à comprendre de qu'il n'a jamais fait de bien. Pour ne pas tomber justement de cette erreur qui est celle de l'irja, murji'a, du fait de sortir les actes de la foi. Naam. Donc de là, cette shafa'a, cette partie-là est venue en réfutation des khawarij et des mu'tazila, qui eux ont renié cette shafa'a. Donc aujourd'hui, nous avons pris, alhamdoulilah, trois masa'il, qui sont, quelle est la définition du tawhid? Quelles sont les catégories du tawhid? Et quelle est la plus grande bonne action et la plus mauvaise? Tamam. Fa بهذا القدر نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دمام أفاف.com